Non. Donne ton nom et vite fait. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et pourquoi pas le God d'or de ta soeur, petit God. Bonsoir, je suis Tchétchène. Ça va, alors tu réfléchis. Bien sûr, Pilger, une question à proposer à l'antenne, c'était bien l'IVG, espèce d'enculé. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh, ta touche! Putain, ça commence à bien faire, Pilger, avec tes doubles voix, s'il te plaît, tu arrêtes avec ton bordel, ok? Pour ça, on va accueillir... El Pilonos. El Pilonos. El Epic... El Epiciros. C'était un couple princier qui allait au Ritz, je crois, ou à l'hôtel, et qui a pris ce body tunnel. Ceci, cela. Quoi, t'as une théorie? Non. C'est une tragédie, Gérard. Vous savez comment que je fais les débats? Ah bah, tu réfléchis. Bon, ça y est, on attaque. Ta gueule! Mm-hmm. Je m'en fous. À chaque fois, c'est la même chose. Et puis là, non. À chaque fois c'est la même chose. Non. Donne ton nom et vite fait. Si je serais pas intelligent, je serais pas des débats. Hein. Okay. Je t'ai pas appelé pot de chambre. Okay. Bonne nuit. Allez, au revoir. Tu fous de ma gueule ou quoi là? Attends, tu commences à me gonfler sérieusement. Pauvre con, va. Et qu'il y a du monde derrière. Terminé. Allez hop, au revoir.